L'Américain à Paris de Henry James, tome 1er. Chapitre 1er. Par une belle matinée de mai de l'année 1868, un gentleman se reposait, prenant ses aises sur le grand divan circulaire qui, à cette époque, occupait le centre du salon carré au musée du Louvre. Ce confortable canapé a depuis, je ne sais pourquoi, été supprimé, au grand gré des amateurs de peinture faible des jarrets. Mais le gentleman en question, tranquillement installé à la meilleure place, la tête renversée contre le dossier et les jambes allongées, regardait l'admirable Assomption de la Vierge de Murillo avec un air de profonde satisfaction d'avoir enfin trouvé un siège confortable. Il avait ôté son chapeau et posé à côté de lui un petit guide rose et une lorgnette. La température était accablante et notre homme, rendu de chaleur après une longue marche, ne cessait de passer et de repasser son mouchoir sur son front d'un mouvement nonchalant et fatigué. Il n'avait cependant pas l'air d'un homme à se fatiguer facilement. Grand, mince, musculeux, il donnait plutôt l'idée de la plus robuste vigueur, un rude lapin, comme on dit. Mais ce jour-là, sa tranquille promenade à travers le Louvre l'avait 100 fois plus harassé que les violents exercices physiques auxquels, de longue date, il était accoutumé. Il avait examiné l'un après l'autre chaque tableau marqué d'une astérisque dans les formidables pages de son guide. Son attention avait été constamment éveillée, ses yeux éblouis, et il venait de s'asseoir avec une véritable migraine d'esthétique. De plus, outre les tableaux, il avait regardé toutes les copies auxquelles travaillent ces innombrables jeunes personnes en toilettes irréprochables qui se consacrent en France à la reproduction des chefs-d'œuvre de la peinture, et s'il faut dire la vérité, il n'avait plus encore admiré les copies que les originaux. Sa physionomie dénotait un homme capable et intelligent, et en vérité il avait passé souvent la nuit à démêler les comptes les plus embrouillés, et entendu le chant du coq sans avoir bâillé une fois. Mais Raphaël et Titien semblaient être pour lui une nouvelle sorte d'algèbre qui lui inspirait une vague défiance de lui-même. Un observateur un peu bien doué aurait, du premier coup d'œil, reconnu à quelle nation appartenait cet admirateur novice et aurait probablement été enchanté de rencontrer un type aussi complet de l'idéal américain. Ce n'était pas seulement, cependant, un bel Américain, c'était avant tout un bel homme, avec une apparence de santé et de force, de cette force naturelle qui ne coûte aucun effort pour se développer ou se maintenir en haleine. S'il était nécessaire de fournir une longue et pénible course, il était toujours prêt, mais l'idée ne lui serait pas venue de se promener pour faire de l'exercice. Il n'avait pas de théorie sur l'hydrothérapie. Ce n'était ni un rameur ni un chasseur. Il ignorait l'escrime et ne se doutait pas que l'équitation est recommandée pour faciliter la digestion. Sobre par tempérament, il avait pourtant soupé la veille au café anglais, quelqu'un lui ayant affirmé qu'il ne pouvait s'en dispenser. Mais il n'en avait pas moins dormi du sommeil du juste. Il aimait à s'étendre dans des poses molles et nonchalantes, mais s'il se redressait tout à coup, vous l'eussiez pris pour un grenadier à la parade. Il ne fumait jamais. On lui avait dit cependant, que ne dit-on pas, que les cigares étaient excellents pour la santé. Et il était bien capable de le croire, mais il se souciait aussi peu du tabac que de l'homéopathie. La tête bien faite, bien proportionnée, les cheveux courts, bruns, abondants, coupés en brosse, le teint basané, le nez admirablement arqué, les yeux gris clair, le visage rasé, sauf une épaisse moustache. Il avait la mâchoire plate et ce col nerveux qu'on rencontre fréquemment chez les Américains. Mais chez lui, les traces de l'origine se retrouvaient plus encore dans l'expression générale de la physionomie que dans les traits, quoiqu'il fût assez difficile de l'analyser. C'était ce quelque chose de vague qu'on ne saurait définir, cette monotonie qui n'est pas de la niaiserie, cet air de n'avoir rien de particulier à faire, mais d'être également prêt à tout et très maître de soi, que nous retrouvons si caractéristique sur la plupart des visages américains. Ses yeux surtout étaient typiques, des yeux où la naïveté et l'expérience étaient curieusement mêlées, des yeux pleins de suggestions contradictoires, un regard froid et amical tout à la fois, franc et circonspect, positif et sceptique, confiant et timide, très intelligent, très gai, avec un peu de méfiance dans ses concessions et quelque chose de profondément rassurant dans sa réserve. La forme particulière de sa moustache, les deux rides prématurées qui creusaient ses joues, la coupe de ses vêtements, son devant de chemise débordant de son gilet très ouvert et sa cravate d'un bleu d'azur, auraient du reste suffi à affirmer la nationalité du personnage. Peut-être, après tout, nous sommes-nous approchés de lui dans un moment défavorable, car il ne pose nullement pour son portrait. Mais regardez-le, nonchalamment étendu sur son divan, presque ahuri de cette réunion de chefs-d'œuvre auquel, nous l'avons dit, il n'a pas compris grand-chose, et admirant depuis quelques instants la madone louche qui est en train de peindre à quelques pas de lui une jeune fille à la coiffure impertinente, parce qu'il trouve la jeune fille elle-même singulièrement séduisante. N'augurez-vous pas bien de cet Américain pur sang? Décision, santé, gaieté, succès semblent être à ses ordres. C'est évidemment un homme pratique, et pourtant tout en lui parle à l'imagination. La jeune artiste, occupée à reproduire l'Assomption de Murillo, et qu'il ne quittait pas des yeux, jetait de temps en temps un regard furtif sur son admirateur. L'étude des beaux-arts lui semblait sans doute nécessiter beaucoup de mouvement, car elle se levait, regardait son modèle les bras croisés, penchant la tête à droite puis à gauche, caressait son menton à fossette de sa main potelée, soupirait, fronçait le sourcil, frappait du pied, rajustait les boucles de ses cheveux en désordre, que les épingles étaient impuissantes à maintenir. Tout cela, accompagné de coups d'œil furtifs autour d'elle et particulièrement du côté de notre héros. Celui-ci, à la fin, se leva brusquement, mit son chapeau et s'approcha de la jeune fille, derrière laquelle il se plaça, regardant quelque temps sa copie, tandis qu'elle travaillait sans avoir l'air de s'apercevoir de sa présence. Alors il lui adressa le seul mot français qu'il sut, enlevant un doigt dans l'espoir de se faire mieux comprendre. « Combien ? » demanda-t-il. L'artiste lui jeta un coup d'œil rapide, fit une petite moue, haussa les épaules, et après avoir posé à côté d'elle palettes et pinceaux, se frotta les mains sans rien dire. « How much ?» reprit notre ami. « Combien ?»« Monsieur désire l'acheter ?» répondit la jeune fille en français. « Very pretty, splendid. Combien ?» Mon petit tableau plaît à monsieur. C'est un superbe sujet. La madone, oui. Je ne suis pas catholique, mais je veux l'acheter. Combien? Écrivez-le ici. Continua en anglais, le gentleman. Il tira un crayon de sa poche et lui montra la première page de son guide. Elle examina son interlocuteur tout en se grattant le menton avec le crayon. N'est-ce pas à vendre? Dit-il toujours en anglais. Elle le regardait, malgré son désir de paraître habituée à de pareilles questions, avec un air de si touchante incrédulité qu'il eut peur de l'avoir offensée. Elle faisait tout simplement un effort sur elle-même pour jouer l'indifférence, se demandant avec anxiété jusqu'où elle pourrait aller dans la fixation du prix. « Je n'ai pas fait erreur, pas insulté, no. »« Ne comprenez-vous donc pas un peu l'anglais ?» La jeune personne possédait sans doute un réel talent de comédienne. Elle lança au questionnaire un regard perçant, et lui demanda s'il ne parlait pas du tout le français, puis « Donnez, » fit-elle d'une voix brève, et saisissant le guide ouvert, elle y traça un chiffre d'une main délicate et ferme, puis elle rendit le livre et reprit sa palette. Notre ami lut 2000 francs. Il ne dit rien pendant un moment et se mit à considérer la peinture à laquelle la jeune fille avait recommencé à travailler. « Pour une copie, n'est-ce pas énorme ? » dit-il enfin. « Pas beaucoup ?» L'artiste, levant les yeux, le toisa de la tête aux pieds avec une admirable présence d'esprit. « Oui, c'est beaucoup, en effet, » répondit-elle, « mais ma copie a de remarquables qualités et ne vaut pas moins. » L'Américain saisit d'instinct le sens de la phrase. J'ai dit qu'il était intelligent, et cette franchise lui plut. « Oh, oh » pensa-t-il, « de la beauté et du talent, et de l'honnêteté par-dessus le marché, mais il faudra la finir. » Finir, vous savez, ajouta-t-il tout en haut en indiquant la main inachevée de la Madone. « Oh, ce sera fini à la perfection des perfections !» s'écria la demoiselle, qui, pour accentuer sa promesse, déposa une tache rose au beau milieu de la joue de la Vierge. Notre homme fronça le sourcil. « Trop rouge, trop rouge » s'écria-t-il. « Son teint est plus délicat. »« Délicat ? Oh, il sera délicat, monsieur. Délicat, comme un biscuit de Sèvres. Je vais adoucir cela. Je sais tous les secrets de mon art. Et où devrais-je vous l'envoyer, votre adresse ?»« Mon adresse. Ah, c'est juste. » Il tira de son portefeuille une carte de visite et écrivit quelques mots au crayon, puis, avec un peu d'hésitation, « Si la copie ne me plaît pas une fois terminée, je ne serai pas obligé de la prendre, vous savez. » La jeune fille semblait deviner chacune de ses paroles. « Je suis sûr que monsieur n'est pas capricieux, » dit-elle, avec un sourire malin. « Capricieux ? Oh non !» répondit l'autre en riant. « Je ne suis pas capricieux, je suis fidèle, très constant, vous comprenez ?»« Monsieur est constant, je comprends parfaitement, c'est une vertu rare. » Pour vous récompenser, vous aurez votre tableau aussi tôt que possible, la semaine prochaine, dès qu'il sera sec. Je vais prendre la carte de monsieur. » Elle la prit et lut, Christopher Newman, et comme elle répétait tout haut le nom, elle se mit à rire de sa mauvaise prononciation. « Vos noms anglais sont si drôles, » dit-elle. « Drôles, » répéta monsieur Newman en riant aussi. « Avez-vous entendu parler de Christophe Colomb ?»« Bien sûr. C'est lui qui a découvert l'Amérique. Un grand homme. » « Est-ce qu'il est votre patron ?»« Mon patron. »« Votre patron, votre saint, dans le calendrier. »« Oh, parfaitement. Mes parents m'ont donné son nom. »« Monsieur est américain. Ne le voyez-vous pas ?»« Et vous voulez emporter mon petit tableau là-bas ?» Et d'un geste, elle expliqua sa pensée. « Oh, j'ai l'intention d'acheter beaucoup de tableaux, beaucoup, beaucoup. »« C'est un grand honneur pour moi. » car je suis persuadé que monsieur est un véritable connaisseur. « Mais il faut me donner votre carte, » dit Newman. « Carte, vous savez. » La jeune fille prit un air sévère. « Mon père ira vous trouver, » répondit-elle. Cette fois, Newman ne comprit pas. « Carte, adresse ?» répéta-t-il simplement. « Mon adresse !» s'écria la demoiselle. Puis, avec un petit mouvement d'épaule, « Il est heureux pour vous d'être américain, » fit-elle. « C'est la première fois que je donne mon adresse à un homme. » Et tirant de sa poche un porte-monnaie légèrement graisseux, elle y prit une petite carte de visite glacée qu'elle tendit à Newman. Celui-ci lut au milieu d'un élégant paraphe « Mademoiselle Noémie Nioche ». Mais au lieu de rire, comme son interlocutrice, il garda une gravité parfaite. Tous les noms français lui semblaient également bizarres. « Et précisément, voici mon père qui vient me chercher pour me reconduire à la maison. » dit mademoiselle Noémie. « Il parle anglais et pourra tout arranger avec vous. » Elle se tourna vers un petit vieillard qui s'avançait d'un pas hésitant en examinant Newman par-dessus ses lunettes. Monsieur Nioche portait une perruque soyeuse d'une couleur invraisemblable, encadrant un petit visage pâle, humble, sans expression, presque aussi insignifiant que la figure de cire qu'elle ornait jadis à la devanture du coiffeur. C'était le véritable type de la misère en habit noir, son pardessus râpé, brossé à outrance, ses gants raccommodés, ses bottes éculées, énergiquement cirées, son chapeau crasseux disait assez son histoire. Ayant connu des jours meilleurs, il s'attachait encore à l'esprit d'un costume décent, bien que la lettre en fût à jamais effacée. C'était un homme absolument découragé. L'adversité ne l'avait pas seulement abattu, elle l'avait terrifié. Et il était évident qu'il n'avançait désormais dans la vie que sur la pointe des pieds, de peur d'éveiller l'essor contraire. Si cet étranger adressait à sa fille des paroles inconvenantes, M. Nioche lui demanderait humblement, comme une grâce, de vouloir bien ne pas continuer. Mais en même temps, il reconnaîtrait combien il était présomptueux de sa part d'espérer obtenir cette faveur toute particulière. « Monsieur a acheté mon tableau, » dit mademoiselle Noémie. « Quand il sera fini, tu iras le lui porter dans un fiacre. »« Dans un fiacre ?» s'écria M. Nioche au comble de l'étonnement, comme s'il eût vu le soleil se lever à minuit. « Êtes-vous le père de mademoiselle ?» demanda Newman. « Elle m'a dit que vous saviez l'anglais. »« L'anglais ? Oui. dit le vieillard en se frottant les mains. « Je vous le porterai dans un cab. »« Parle donc, papa, » fit tout bas Mademoiselle Nioche. « Remercie-le un peu, pas trop. »« Un peu, ma fille, un peu, » répondit le pauvre homme embarrassé. « Combien ?»« 2000. Surtout n'aie pas l'air surpris, ou il retirera sa parole. »« 2000 ?» dit le vieillard. Il fouilla dans sa poche en quête de sa tabatière et regarda Newman, sa fille, le tableau. « Prends bien garde de l'abîmer, » s'écria-t-il enfin d'un ton presque sublime. Mademoiselle Noémie s'était mise à ranger sa palette et ses pinceaux. « Allons, il faut rentrer, » fit-elle. « J'ai bien travaillé aujourd'hui. Prends le tableau, papa, et surtout fais attention en le portant. »« Comment pourrais-je vous remercier ?» dit M. Nioche à Newman. « Mon anglais n'y suffira pas. » « Je voudrais parler français aussi bien, » répondit aimablement l'Américain. « Votre fille est très habile. »« Oh, monsieur, elle a reçu une éducation si supérieure. Je n'ai rien épargné. Leçon de pastel à 10 francs le cachet, de peinture à l'huile à 12 francs. Je ne comptais pas les francs dans ce temps-là. Ah, c'est une artiste. »« Dois-je comprendre que vous avez eu des revers ?»« Ah, monsieur, des revers, des malheurs terribles. Pas de succès dans les affaires, hein ?» « Pas l'ombre de succès. »« Bah, vous retomberez un jour ou l'autre sur vos pieds, » dit Newman d'un ton encourageant. Le vieillard pencha la tête de côté et regarda l'étranger avec une expression de reproche, comme si cette dernière phrase était une cruelle ironie de sa part. « Que dit-il ?» demanda Mademoiselle Noémie. Monsieur Nioche prit une prise de tabac. « Il dit que je ne puis refaire ma fortune. »« Peut-être tiendra-t-il ?» Et quoi encore? Que tu es très habile. C'est possible. Toi-même, tu le crois, papa. Si je le crois, ma fille. N'y a-t-il pas là une preuve évidente de ton talent? Il se tourna avec un air d'admiration et de respect vers l'audacieuse croûte restée sur le chevalet. Demande-lui donc s'il ne voudrait pas apprendre le français, continua Mademoiselle Noémie. Apprendre le français? Prendre des leçons. Prendre des leçons, ma fille, de toi? « Non, de toi. »« De moi, mon enfant. Comment ferais-je pour donner des leçons ?»« Pas de raison. Demande-le-lui à l'instant, » dit-elle d'un ton bref. M. Nioche était tout déconcerté, mais sous le regard de sa fille, il rassembla ses esprits et faisant de son mieux pour sourire agréablement. « Vous plairait-il, monsieur, de prendre des leçons de notre belle langue ?» demanda-t-il avec un léger tremblement dans la voix. « Étudier le français ?» s'écria Newman, surpris. « Oh, un peu de conversation seulement. »« Conversation, c'est cela, » murmura Noémie, qui avait saisi le mot au vol. « La conversation de la meilleure société. »« Nous autres Français, nous sommes fameux pour notre conversation, vous savez, » hasarda M. Nioche, « c'est notre grand talent. »« Mais n'est-ce pas terriblement difficile ?» demanda naïvement Newman. « Pas pour un homme d'esprit comme vous, monsieur. » Un admirateur de la beauté sous toutes ses formes. » Et M. Nioche jeta un regard significatif sur la madone de sa fille. « J'ai peine à me figurer quel air j'aurais en parlant français, » dit Newman avec un sourire. « Et cependant, on ne sait jamais trop de choses. »« Ah, ce que dit là monsieur est bien vrai. Hélas, oui. » »« Je suppose qu'il me serait très utile, dans mes courses à travers Paris, de connaître la langue. »« Il y a tant de choses que monsieur peut avoir besoin de dire, des choses si difficiles. » Tout ce que je veux dire est difficile et vous donnez des leçons ? Le pauvre vieux, embarrassé et confus, hésitait à répondre. Il sourit en manière d'excuse. Je ne suis pas précisément ce qu'on appelle un professeur régulier, murmura-t-il, puis se tournant vers sa fille. Je ne peux cependant pas lui dire que je suis professeur. Dis-lui que c'est là une occasion tout à fait exceptionnelle. Un homme du monde, un gentleman conversant avec un autre. Rappelle-toi ce que tu es, ce que tu as été. « Je n'ai jamais été professeur de langue, dans tous les cas, encore moins aujourd'hui qu'autrefois. Je ne serai capable de rien enseigner, et s'il demande le prix des leçons, il ne le demandera pas. « Puis-je dire ce qu'il plaira à monsieur ?»« Non, mauvais genre. Mais pourtant, s'il demande... » Mademoiselle Noémie avait mis son chapeau dont elle nouait les brides. « 10 francs, » fit-elle tout bas et très vite. « Oh, ma fille, je n'oserai jamais. » « Soit, n'ose pas. » Il ne demandera le prix qu'à la fin des leçons, et alors c'est moi qui me chargerai de l'addition. M. Nioche se retourna vers le confiant étranger. Son air humble et doucereux était celui d'un coupable comparaissant devant ses juges. Mais cette expression faisait tellement partie de sa physionomie qu'on ne la remarquait plus. Quant à Newman, l'idée ne lui vint même pas de s'informer si M. Nioche était capable de lui donner de profitables leçons. Il supposa, tout naturellement, que ce brave homme savait sa propre langue. Du reste, l'extérieur du vieillard répondait de tout point à l'idée qu'il s'était toujours faite des vieux professeurs étrangers. Newman n'avait jamais réfléchi aux études philologiques et il se figurait que, pour en arriver à comprendre le langage mystérieux qu'il entendait parler à Paris, il lui faudrait surtout de grands efforts musculaires. « Comment avez-vous appris l'anglais ? » demanda-t-il. « Quand j'étais jeune, avant mes malheurs, oh, j'étais vif et éveillé dans ce temps-là. J'avais l'esprit alerte. Mon père était un grand négociant. Il m'avait placé dans un bureau en Angleterre. En un an, j'avais appris un peu, mais j'ai oublié. Et que pourrais-je savoir de français en un mois ?»« Que dit-il ? » interrogea Mademoiselle Nioche. Son père traduisit. « Il parlera comme un ange, » répondit-elle. Mais l'honnêteté native de M. Nioche, honnêteté qui lui avait été si peu utile dans le commerce, s'éveilla de nouveau en lui. « Dame, monsieur, répondit-il, tout ce que je serai capable de vous enseigner. » Puis, sur un signe de sa fille, « J'irai vous trouver à votre hôtel, » ajouta-t-il. « Oh oui, je serai content de savoir le français, » dit Newman d'un ton pénétré. « Je croyais que c'était chose impossible. Mais vous avez bien appris ma langue, vous. Pourquoi n'apprendrais-je pas aussi la vôtre ?» Il partit d'un bon rire franc et bruyant. « Seulement, vous savez, puisque nous devrons causer, il vous faudra trouver quelque agréable sujet de conversation. Vous êtes trop bon, monsieur. Je suis confus. Mais vous avez gaieté et bonheur pour deux. » « Non, » dit Newman devenu sérieux. « Vous devrez être gai, en train. Cela fait partie de nos conventions. » « Très bien, monsieur. Vous m'avez déjà rendu la joie. » Et le pauvre homme s'inclina, une main sur son cœur. « Venez donc le plus tôt possible et apportez-moi mon tableau. Je vous le paierai. Nous en causerons. Ce sera un charmant sujet de conversation. » Mademoiselle Noémie avait rassemblé son petit attirail de peintre. Elle remit la précieuse madone aux mains de son père, qui s'éloigna, marchant à reculons, tenant le tableau à bout de bras et saluant toujours. Quant à elle, elle s'enveloppa de son châle avec une grâce toute parisienne, et ce fut aussi avec le sourire d'une parisienne qu'elle prit congé de sa nouvelle connaissance.